franceinter.com. Les spécialistes de la région ne se demandent plus si la guerre va éclater, mais quand. Une nouvelle guerre aux frontières nord de la Palestine entre Israël et le Hezbollah libanais. Une réédition en somme du conflit de 2006, au cours duquel pour la première fois on assistait non pas à une véritable défaite, mais à une humiliation sans précédent de Tsahal. La semaine passée, M. X a évoqué le parcours d'un imam libanais d'origine iranienne, Moussa Sadr, un dirigeant chiite charismatique, qui le premier a organisé une communauté chiite libanaise déshéritée et qui, en lui permettant de se doter d'un bras armé, la milice Amal, se trouve être indirectement à l'origine de la création du Hezbollah, c'est-à-dire du parti de Dieu. Mais c'est surtout l'aspect le plus curieux de la vie de Moussa Sadr qui a justifié l'intérêt de M. X pour ce personnage. Je veux parler de sa disparition en 1978. Une disparition toujours inexpliquée aujourd'hui. L'imam a-t-il été assassiné à l'occasion d'un voyage en Libye et alors que son pays d'adoption était plongé dans une terrible guerre civile, ou vit-il encore enfermé dans quelque improbable prison? Mystère. Et l'affaire suscite toujours de nombreuses interrogations. Une plainte vient même très récemment d'être déposée par les autorités de Beyrouth. Autre question. Si Moussa Sadr, comme cela paraît vraisemblable, a été liquidé, qui a ordonné son exécution? Les candidats, si j'ose dire, ne manque pas tant Moussa Sadr était devenu au fil des ans un personnage encombrant, un personnage au parcours sinueux, auquel nombreux étaient ceux qui voulaient lui demander des comptes. Monsieur X poursuit son récit et revient d'abord sur tous ces ressentiments que l'imam avait suscités. Moussa Sadr, je vous l'ai dit, a sans doute été envoyé au Liban à l'initiative des autorités de Téhéran. À l'époque du Shah, hein. Oui, oui, l'Iran voulait alors se servir des chiites libanais, bien sûr, pour renforcer son influence dans la région. Et m'avez-vous dit, alors, Moussa Sadr, jeune et brillant mollah, a renoncé à une ascension assurée dans le clergé iranien pour accomplir cette mission? Si je puis dire, il n'a pas tout à fait perdu au change, car assez rapidement, il a fait de cette communauté chiite libanaise, pauvre et méprisée, un partenaire obligé du jeu politique libanais. D'autant que l'importance démographique de cette communauté s'est accrue. Les musulmans chiites sont en effet maintenant plus nombreux que les sunnites. Ouais. Et ensemble, les musulmans surclassent largement les chrétiens maronites. Mais je reviens à ce que je disais. Moussa Sadr a donc d'abord été soutenu secrètement par Téhéran et sa police secrète, la redoutable SAVAK. Mais dans les années 70, alors que l'opposition contre le Shah monte en puissance, l'imam se rapproche progressivement des adversaires du monarque de Téhéran. Et il accueille même au Liban ces contestataires religieux qui doivent fuir leur pays. Et il est en contact à ce moment-là avec l'ayatollah Khomeini ? Dont il a été autrefois l'élève en Iran. Oui, donc il le connaît. Par conséquent, Téhéran doit être tenté de lui faire payer ce retournement, non ? Ou au moins, enfin, cet éloignement qui peut être assimilé à une trahison. Évidemment, mais ce qui pose aussi problème, c'est l'alliance qu'il a conclue avec les Palestiniens. Une alliance stratégique. En effet, Moussa Sadr a besoin des Palestiniens pour entraîner la milice qu'il a secrètement créée. Amal. Une alliance qui est vue d'un très mauvais œil par les chrétiens qui rêvent de chasser du Liban tous ces partisans d'Arafat qui se conduisent dans le pays comme s'ils étaient chez eux. Et ce sera l'origine de la première guerre civile qui éclatera en 1975. Ouais, mais l'État hébreu peut aussi s'inquiéter, car c'est essentiellement au sud du Liban que pactisent Palestiniens et chiites. Et une menace pour la frontière nord d'Israël. Et on va voir les militants d'Amal et les combattants palestiniens faire front commun contre les innombrables incursions israéliennes en territoire libanais. Ouais. Enfin, il est difficile d'oublier la Syrie. Son dictateur, Hafez el-Assad, a toujours considéré que le Liban n'était qu'une excroissance de son propre pays. Et il entend y faire la loi. Ça signifie qu'il est prêt à combattre tous ceux qui ne se rangeront pas sous sa bannière. Bon, si je vous ai compris, Moussa Sadr ne manque donc pas d'adversaires. C'est ce que je voulais vous dire. Mais Moussa Sadr est un homme habile et désormais puissant. Il est devenu le chef de tous les chiites libanais. Et son influence est considérable. Son influence est aussi sa duplicité, car l'imam est aussi un champion du double langage. Tandis qu'il affirme être un homme de paix, partisan d'un dialogue constructif avec les chrétiens, il n'hésite pas à appeler les siens à user de violence. Il est armé. Et on en aura une preuve en juillet 1975, à l'occasion d'une spectaculaire explosion qui se produit dans un camp d'entraînement de l'OLP. Une trentaine de militants d'Amal sont tués en manipulant une mine. Et ça met à mal, ça, les professions de paix de Moussa Sadr. Naturellement. Mais l'imam se défend en expliquant que si ces hommes s'entraînent, c'est uniquement pour repousser les incursions israéliennes au Liban Sud. Le Sud, où les chiites sont les plus nombreux, il faut le rappeler. En juillet 1975, la guerre civile du Liban a déjà commencé. Oui, elle oppose principalement les milices chrétiennes à la gauche libanaise, rassemblée au sein du MNL, le Mouvement National de Libération, dirigé par le célèbre leader druze, Kamal Jumblatt. Avec le soutien des Palestiniens, oui, à l'époque. Mais l'OLP n'est pas décidé à s'engager à fond et aimerait bien se tenir à l'écart de ce conflit où il n'y a que des coups à prendre. Autre allié des forces de gauche, la Syrie. Et Moussa Sadr, alors ? Il ne peut pas rester à l'écart et sa milice Amal s'engage aux côtés du MLN. Et pourtant, lui-même continue à prêcher la paix. Oui, alors c'est le double langage, comme vous disiez, toujours. Oui, on peut le penser, même si de façon assez spectaculaire, Moussa Sadr commence une grève de la faim pour mettre fin au conflit. Une initiative qui n'est pas très bien comprise par ses propres partisans. Parce que jusque-là, Moussa Sadr ne s'était guère signalé par sa modération. Surtout lors de ces immenses rassemblements où il appelait les siens au martyr et à la résistance contre tous ceux qui les oppriment et ne leur accordent pas la place qu'ils devraient occuper dans la société libanaise. Sunnites et maronites mêlés donc. En entamant cette grève de la faim, Moussa Sadr désarçonne ses supporters. Incontestablement. Et il ne recouvrira jamais la popularité qui était la sienne avant la guerre civile. D'autant que son évolution ultérieure va être particulièrement sinueuse. Mais ce sera aussi le cas des autres factions libanaises qui ne vont cesser d'opérer des retournements d'alliances. Développez un peu là. Écoutez, je ne vais pas vous raconter à nouveau l'épouvantable guerre civile libanaise qui ne trouvera réellement son épilogue qu'en 1990. Mais il vous faut quand même savoir que les chrétiens, les premiers, tournent kazakh. Alors qu'ils n'ont cessé de dénoncer les manœuvres de la Syrie, ils appellent Damas au secours et Hafez et l'Assad, trop peureux, s'empressent de leur venir en aide. Oui, Hafez et l'Assad qui lâchent donc la gauche libanaise. Et ça s'explique très bien. D'abord, parce que le Syrien rêve de mettre la main sur le Liban. Mais il y a aussi chez lui la volonté de rétablir la paix avant que les Israéliens ne s'en mêlent eux-mêmes. C'est pourquoi Assad, sans état d'âme, se retournera aussi contre les Palestiniens, afin de ne pas donner à Israël un prétexte pour intervenir au Liban. En tout cas, les forces armées syriennes vont s'installer, on le sait, durablement au Liban. Et devant ce changement d'alliance, alors, comment réagit Moussa Sadr ? Eh bien, abandonnant sa posture d'homme de paix et de réconciliation, il se rapproche lui aussi des Syriens et par conséquent de leurs nouveaux amis chrétiens. Il va même, provisoirement, trouver refuge dans le camp chrétien. Ce qui lui sera bien sûr reproché. Forcément. Et en même temps, il doit passer sous les fourches caudines d'Hafez el-Assad, le Bismarck du Proche-Orient, comme certains l'ont appelé. Une inféodation ? Ça y ressemble. Au reste, les rapports entre les deux hommes sont relativement anciens. Moussa Sadr a même autrefois donné un sérieux coup de main aux Syriens en signant une fatwa reconnaissant que les Alaouites, les co-religionnaires d'Assad, sont partie intégrante du chiisme. Oui, ce qui n'empêche donc pas Assad de le mettre au pas à partir du moment où il intervient directement au Liban. Et l'imam doit avaler de nombreuses couleuvres. Il doit par exemple donner son aval à d'importants transferts de population en incitant les chiites des bidonvilles de Beyrouth Est à rejoindre Beyrouth Ouest qui deviendra dès lors leur fief. Ils y retrouvent d'ailleurs des co-religionnaires qui fuient le sud-Liban où la tutelle palestinienne se fait de plus en plus pesante. Et ça se traduit par une dégradation des rapports entre Moussa Sadr et l'OLP. Tout ça, très compliqué. Mais ça signifie en tout cas que toutes les alliances nouées au début de la guerre civile volent progressivement en éclats. Oui, mais au-delà même de ces délicates difficultés qu'il doit affronter, c'est en réalité sa place à la tête de la communauté chiite que Moussa Sadr doit défendre en permanence. Mais qui lui conteste cette primauté hein ? Mais le danger vient de l'Iran. La police secrète du Shah ? Oui, c'est certain. Mais paradoxalement, ce sont ceux qui sont ses meilleurs amis qui le menacent le plus. Parce que le curseur de la révolution chiite s'est désormais déplacé. Il se trouve maintenant en Iran et c'est Khomeini, provisoirement exilé en France, qui va incarner cette aspiration. Khomeini qui devient donc, d'une certaine façon, le rival de Moussa Sadr. Exactement. Et ça oblige Moussa Sadr à se radicaliser et à couper tous les ponts avec le Shah d'Iran. Ça va même très loin, puisque l'ambassadeur iranien au Liban ira jusqu'à déchoir l'imam de sa nationalité iranienne. Parce qu'il jouissait jusque-là, il faut le rappeler, de la double nationalité iranienne et libanaise. Et au début du mois d'août, Moussa Sadr publie une tribune dans un journal français, Le Monde en l'occurrence, où il officialise en quelque sorte sa rupture définitive avec le pouvoir iranien. 8 jours plus tard, il va disparaître. Rendez-vous avec X. Dans son monumental ouvrage « L'œil du pouvoir » publié par Fayard, Gilles Ménage, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand et conseiller pour les affaires de renseignement, analyse la montée en puissance du mouvement chiite au Liban. Extrait. Dès le début des années 1970, un petit cénacle constitué de proches de l'ayatollah Khomeini conçut le projet de créer au Liban une organisation chiite sur le modèle du parti chiite d'opposition au régime irakien Al-Dawa qui avait vu le jour à la fin des années 1950. La stratégie arrêtée était de le dupliquer chaque fois que nécessaire, dans plusieurs pays, afin de jeter les fondements d'un mouvement international chiite. De façon fort imprudente, le Shah d'Iran avait initialement encouragé cette mobilisation, espérant favoriser l'émergence de courants politiques et religieux susceptibles d'affaiblir les régimes arabes sunnites au profit de l'influence perse, s'appuyant sur les diverses communautés chiites qu'ils abritaient. Et plus loin, Ménage écrit, « Sur le plan militaire, les islamistes iraniens ont été présents au Liban bien avant la chute du régime d'Isha. Les camps palestiniens ont accueilli pour les entraîner des militants islamiques iraniens dès le début des années 1970. Les quelques milliers d'Iraniens formés au Liban avant la révolution iranienne constituèrent les premières unités des gardiens de la révolution, corps créé en 1979 et qui deviendrait par la suite une véritable institution chargée de protéger la République islamique. Alors, il est peut-être temps d'évoquer les circonstances exactes de la mystérieuse disparition de Moussa Sadr. Pour autant qu'on puisse disposer à ce sujet d'informations fiables. Alors, les faits avérés, le 25 août 1978, Moussa Sadr prend l'avion pour Tripoli. Il est invité là-bas pour le 9e anniversaire de la révolution libyenne. Une visite quasi officielle, donc. Ah, tout à fait. Et Moussa Sadr a pris l'avion avec deux hommes. Son adjoint direct, un autre religieux, l'ouléma Mohamed Yacoub, et un journaliste libanais, Abbas Badreddine, chargé de couvrir l'événement pour une agence de presse. Le programme de Moussa Sadr prévoit des rendez-vous avec d'importantes personnalités libyennes. Puis l'imam doit repartir 8 jours plus tard pour gagner Paris, via Rome. Il y a beaucoup de Paris, hein. Moussa Sadr y a installé sa famille. Ah oui, loin de la guerre civile qui sévit au Liban, hein. Précaution. Autre chose, vous avez parlé de rendez-vous avec des personnalités. Il n'est pas prévu une rencontre avec le colonel Kadhafi ? Eh bien non. Mais il faut dire que le programme de Moussa Sadr est très flou. Et curieusement, le déplacement de l'imam n'est même pas évoqué par l'agence de presse officielle de la Libye. Pourtant, Moussa Sadr est quand même le chef de la plus importante communauté musulmane au Liban. Hein. Et un acteur important dans la terrible partie militaire et politique qui se joue alors au pays du Cèdre. Donc, en principe, il devrait être reçu avec tous les honneurs. Je suis d'accord. Et la discrétion de son accueil est effectivement très curieuse. Alors, autre chose. Que sait-on des rapports entre Moussa Sadr et le colonel Kadhafi ? Avec le leader libyen, vous savez que ce n'est jamais vraiment très clair. Essayons pourtant. Kadhafi a d'abord vu en Moussa Sadr un allié naturel qu'il fallait soutenir dès lors qu'il prenait ses distances avec le Shah et le régime de Téhéran. Et c'est resté valable au début de la guerre civile du Liban, alors que la milice Amal de Moussa Sadr était engagée aux côtés des forces islamo-progressistes et des Palestiniens. Kadhafi a même vu en Moussa Sadr le vrai leader de l'islam libanais. Pour lui, en effet, ce qui se jouait au Liban, c'était le combat historique d'un islam rénové contre les forces réactionnaires judéo-chrétiennes. Une vision du conflit un peu simpliste. C'est sûr, mais enfin, ça ne vous étonnera pas. Quoi qu'il en soit, Kadhafi a donc envoyé à Moussa Sadr d'importantes sommes d'argent. Mais, premier accroc, cet argent n'aurait pas été intégralement versé à la milice Amal ou au mouvement des déshérités créés par Moussa Sadr. Il y a eu des détournements ? C'est ce qui se dira plus tard à Tripoli. Autre accroc de taille, le retournement d'alliance opéré par Moussa Sadr. Son rapprochement avec les chrétiens. Et la Syrie. On assistera même à de violents accrochages entre les éléments de la milice Amal et les forces palestiniennes implantées au sud du Liban. Mais l'invasion israélienne de mars 1978 dans ce secteur rapproche momentanément les deux camps contre l'ennemi commun. Et Moussa Sadr serait revenu en cours auprès de Kadhafi, même si ce dernier aurait estimé que les miliciens Amal n'avaient pas résisté aussi vigoureusement qu'il aurait fallu aux envahisseurs israéliens. Toutefois, tout ceci n'était que rumeur. En tout cas, les relations entre le Libanais et le Libyen ont donc beaucoup, beaucoup fluctué. Et à un moment, elles ont même été si mauvaises que l'Algérie a dû s'entremettre entre les deux dirigeants. Mais si Moussa Sadr accepte quand même de se rendre en Libye, c'est que les deux hommes doivent être tant soit peu rabiboché. On peut le penser. Encore que, selon certains de ses proches, Moussa Sadr a hésité avant de prendre l'avion pour Tripoli. Oui, il n'avait donc pas entièrement confiance. Vraisemblablement. Et la suite va le démontrer. Il avait de bonnes raisons pour le penser. Bon. Alors, il est arrivé à Tripoli. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, aussi étonnant que cela paraisse, on n'en sait rien. Par exemple, on n'a aucune information sur les rencontres officielles prévues à son programme. Plus étrange, Moussa Sadr, qui a l'habitude de téléphoner tous les jours à sa famille, ne donne aucune nouvelle au sien à partir du moment où il se trouve dans la capitale libyenne. Quant aux journalistes qui l'accompagnent, il n'envoie aucune dépêche à son agence. Alors, tout se passe comme si les trois hommes là, avaient été mis quoi, au secret. C'est l'impression que ça donne. Silence complet jusqu'au 31 août, c'est-à-dire le jour où il est prévu que Moussa Sadr prenne l'avion pour Rome. Mais a-t-il pris cet avion? Les autorités libyennes l'affirment et donnent même le numéro du vol sur lequel il est censé avoir voyagé. Et à Rome, les Italiens confirment qu'un nommé Moussa Sadr figure bien sur la liste des passagers. Mais bien étrangement, personne n'a vu débarquer Moussa Sadr, qui est pourtant un personnage qui ne passe pas inaperçu. Oui, sa stature. Et son turban, sa tunique noire. Sa barbe aussi. Alors, j'imagine que ses proches commencent à s'inquiéter, téléphonent à droite et à gauche. Et à l'hôtel de Tripoli, où Moussa Sadr est descendu, on leur affirme que l'imam est resté jusqu'au 3 septembre. Alors que les autorités libyennes ont-elles prétendu que Moussa Sadr avait pris l'avion le 31 août. Alors, ce passager-là, nommé Moussa Sadr, qui aurait pris l'avion pour Rome? N'importe qui aurait pu usurper l'identité de l'imam et se faire délivrer un billet au nom de Moussa Sadr. Il y a 30 ans, on était beaucoup plus laxiste qu'aujourd'hui en matière de transport aérien. Aucune certitude, donc. Sauf une seule. Moussa Sadr a vraiment disparu. Oui. Et qu'en pensent ses proches, alors? Pour eux, il est évident que Moussa Sadr, toujours vivant, a été retenu en Libye. Prisonnier? En quelque sorte. Et c'est aussi la conviction de ses amis politiques libanais. Les Libyens se trouvent, par conséquent, accusés. Et comment se défendent-ils? À Tripoli, on ne démord pas de la thèse initiale. C'est-à-dire que Moussa Sadr a pris l'avion. D'accord, mais ensuite? Eh bien, il aurait été enlevé à Rome. Peut-être même dans l'aéroport où il aurait dû changer d'avion pour s'envoler vers Paris. Ça semble quand même un peu tiré par les cheveux. Enfin, on n'enlève quand même pas impunément un personnage au physique aussi singulier dans un lieu public, un aéroport. Et puis, qui l'aurait kidnappé, hein? Alors, sur ce point précis, les Libyens ne sont pas en manque. Ils désignent pêle-mêle la police secrète du Shah, le Mossad et même les Brigades Rouges. Pourquoi les Brigades Rouges? Ne demandez pas, je n'en sais rien. Alors que pour la savate du Shah et le Mossad, il pourrait y avoir de sérieuses raisons. Des mobiles, oui, mais je vous l'ai dit, la réalisation pratique d'un tel rapt me semble difficilement imaginable. Il reste encore une possibilité que vous n'avez pas évoquée, celle d'une disparition volontaire. Vous avez parfaitement raison, et certains ont émis cette hypothèse. Moussa Sadr aurait pu organiser sa propre disparition, afin, par exemple, d'aller rejoindre clandestinement les opposants en Iran. Pourquoi pas? Mais si ça avait été le cas, Moussa Sadr serait bien réapparu un jour, mort ou vivant. Et un autre genre de fuite, un peu comme celle que Georges Simenon a imaginée dans son roman La fuite de Monsieur Monde. La disparition d'un homme qui abandonne tout pour refaire sa vie ailleurs. Ouais, Non. Dans le cas de Moussa Sadr, ça me semble complètement invraisemblable. Alors, dans ces conditions, Kadhafi va bientôt faire figure d'accusé. Et les amis politiques et religieux de l'imam ne se privent pas de l'affirmer haut et fort. 15 jours seulement après la disparition de Moussa Sadr, ils décrètent la grève générale dans leur fief de Beyrouth-Ouest. Et ce n'est qu'un début. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. En juillet 1975, Moussa Sadr accorde une importante interview au célèbre journaliste Édouard Saab. un article paru dans Le Monde. Après avoir appelé tous les Libanais à se défendre contre l'ennemi extérieur, c'est-à-dire Israël, et fustiger la classe politico-féodale qui continue à monopoliser le pouvoir, l'imam aborde un sujet plus embarrassant. Je cite Saab. À la question de savoir enfin comment il peut concilier son attitude d'il y a 2 semaines, il s'est alors retranché dans sa mosquée pour jeûner et faire pénitence jusqu'à la cessation des combats, et l'existence de camps d'entraînement qui enseignent à ses adeptes le maniement des armes et le sabotage des établissements commerciaux, l'imam répond en souriant « La violence contre l'ennemi extérieur, qui sème le germe de la discorde et du confessionnalisme entre les fils de la même nation, qui dresse les musulmans contre les chrétiens, les Libanais contre les Palestiniens, cette violence-là, je l'accepte, je la cautionne et je la recommande même. Mais la violence entre les Libanais, quelle que soit leur religion, je la refuse, si bien que je retournerai à la mosquée pour reprendre mon jeûne, autant de fois qu'il faudra, tant que cela servira à empêcher les Libanais de s'entretuer. » Cette grève générale organisée par les partisans de Moussa Sadr est donc dirigée contre la Libye. Clairement. Et notez-le bien, chaque année jusqu'à aujourd'hui, le mouvement Amal décrétera une grève le jour anniversaire de la disparition de l'imam. Et à Tripoli, comment réagit-on ? Bon, on ne se démonte pas et on s'en tient à la version élaborée dès le début. Moussa Sadr a quitté la Libye à bord d'un avion à destination de Rome. La preuve, c'est que dès la mi-septembre, Kadhafi envoie une délégation en Italie afin de participer à l'enquête. La poudre aux yeux, parce que les policiers italiens n'ont certainement pas besoin de leurs collègues libyens. Bien entendu. Et a-t-on des nouvelles des deux hommes là, qui accompagnaient Moussa Sadr, c'est-à-dire son adjoint et le journaliste? Rien. Mais toujours selon Tripoli, ils seraient montés dans le même avion. En témoigne la liste des passagers. Mais encore une fois, n'importe quel individu aurait pu se faire passer pour eux. À la fin du mois de septembre, il se produit un fait nouveau. Une organisation inconnue de Libanais laïcs revendique l'enlèvement de Moussa Sadr dans une lettre envoyée à un journal italien. Selon ce message, l'imam serait détenu à Amsterdam. Précision, le journaliste qui l'accompagnait aurait été complice de l'opération. C'est sérieux ? Non, mais vous allez le constater, ce n'est pas la dernière fois qu'on va divulguer de fausses informations sur la disparition de Moussa Sadr. Et ce sont des manœuvres libyennes pour égarer l'opinion ? On peut le penser. En novembre, par exemple, un membre du Conseil supérieur des chiites du Liban... Par conséquent, un ami de Moussa Sadr. Parfaitement. Donc, cet homme affirme avoir reçu des confidences du président syrien, Assad. L'aurait assuré que les 3 disparus étaient toujours en vie, mais sans plus de précision. Et surtout, sans dire d'où il tient cette information, quoi qu'il en soit. Ce rideau de fumée entretenu autour de la disparition de l'imam n'empêche nullement ses partisans de passer à l'action. L'action, comment ? À partir du mois de janvier 1979, ils organisent plusieurs détournements d'avions à partir de l'aéroport de Beyrouth. Oui, mais avec quelle revendication ? Ah, il n'y en a pas. Ces militants chiites veulent seulement attirer l'attention de façon spectaculaire. Et d'ailleurs, ces actions de piratage se terminent toutes pacifiquement. Autre action remarquée, en juillet de la même année, alors que Kadhafi est attendu au Liban, le mouvement Amal manifeste violemment, tant et si bien que le colonel libyen doit renoncer à son voyage et que bientôt le Liban rompra ses relations diplomatiques avec Tripoli. Un peu plus tôt, très symboliquement, Moussa Sadr a été réélu président du Conseil supérieur des chiites. In absentia, donc. Et dès lors, il est évident que les chiites libanais ne sont pas décidés à laisser retomber la pression. Ils vont au contraire se servir de la disparition de leur chef pour donner un véritable essor à leur mouvement. Moussa Sadr est désormais considéré à l'égal d'un martyr. Et vous le savez, car nous avons évoqué cet aspect dans notre précédent entretien, combien la notion de martyr est importante pour les chiites. Depuis le meurtre de l'imam Hussein. La protestation contre la disparition de Moussa Sadr prend donc rapidement une coloration religieuse. Et les croyants établissent un parallèle avec le mythe de l'imam caché, ce Mahdi qui doit réapparaître à la fin des temps. Ouais. On va vouer une sorte de culte à l'imam disparu. Tout à fait. Mais un autre événement concourt à galvaniser le mouvement chiite. C'est bien sûr le succès de la révolution iranienne. Alors là, c'est en février 79. Hein. Et maintenant, les chiites libanais vont défiler dans les rues avec les portraits de Moussa Sadr et de Khomeini. Ouais. Tandis que l'implication iranienne au Liban va aller en s'accroissant. Oui, les khoménistes sont désormais partie prenante dans l'interminable guerre civile qui continue à ensanglanter le pays. Et l'ayatollah va même envoyer au Liban une brigade de 300 gardiens de la révolution armés et qui vont s'installer à Baalbek. Mmh. S'agit-il d'une volonté iranienne de phagocyter en quelque sorte le chiisme libanais? Bah, en tout cas, ça y ressemble. Et bientôt, ça débouchera sur un schisme au sein du mouvement Amal. Mais en attendant, les chiites s'assurent le contrôle total de la banlieue ouest et sud de Beyrouth, de la plaine de la Beka et du Liban sud. Ce qui ne va pas sans provoquer de nombreux conflits armés avec leurs rivaux de la gauche ou les Palestiniens. Et ce qui ajoute encore un peu plus à la confusion au Liban. Ah, c'est évident. Et la Syrie n'est pas la dernière à entretenir ce désordre. Enfin, revenons un instant sur les développements autour de la disparition de Moussa Sadr. Fin 1979, un journal marocain citant une source diplomatique affirme que l'imam et ses deux compagnons ont été abattus par des militaires libyens. Ouais, mais pourquoi et dans quelles conditions? Il se serait agi d'une erreur. Une bavure. Si vous voulez. Ces militaires n'auraient pas reçu l'ordre de tirer, mais ils auraient d'eux-mêmes pris cette regrettable initiative. Peut-être à la suite d'un interrogatoire un peu poussé. Mais là, je ne fais qu'imaginer. Mais s'il y a un fond de vérité derrière cette information, ça signifie au moins que Moussa Sadr n'a pas été traité comme l'invité qu'il aurait dû être. Et à mon avis, ça voudrait aussi dire que l'imam, à peine arrivé sur le sol libyen, aurait été considéré comme un prisonnier. Mais la campagne de désinformation est loin d'être terminée. Un an plus tard, on évoque l'intervention d'un mercenaire français qui aurait été chargé d'enlever Moussa Sadr. Une affaire complètement rocambolesque qui impliquerait l'Algérie, la Syrie et la France et bien entendu la Libye. Ah, pas moins. Oui, aussi faut-il considérer cette hypothèse avec la plus grande circonspection. Plus sérieusement, alors que les autorités judiciaires italiennes décident pour leur part de clore le dossier, un ancien ambassadeur libyen qui vient de fuir son pays fait des révélations. Ah ben, expliquez alors. On est alors en juillet 1983. Ce diplomate qui a été en poste en Jordanie, Aziz Omar Chenib, assure que Moussa Sadr a été exécuté sur ordre de Kadhafi. Et donne-t-il une explication? Oui. Le leader libyen mettant en avant les importantes contributions financières consenties au parti de Moussa Sadr aurait exigé un changement de stratégie politique. Ben, bref, il aurait voulu en avoir pour son argent. Quoi. C'est à peu près ça, oui. Mais l'imam aurait fermement refusé et Kadhafi aurait donné l'ordre de le liquider, lui et ses deux compagnons. Ensuite, il aurait demandé à trois membres de sa police secrète de prendre l'avion pour Rome. En se faisant passer là pour les Libanais assassinés. Naturellement. Hein. Cette hypothèse, au moins, elle mérite d'être assez logique. Hein. En effet. Mais c'est assez curieux. Le nouveau chef de la milice d'Amal, Nabi Berri, ne tarde pas à démentir cette information et affirmer au contraire que Moussa Sadr est toujours vivant. Attendez, pour le mouvement chiite, afin de perpétuer la légende et le culte, il était peut-être alors préférable de continuer à faire croire à la survie de l'imam. C'est ce que je pense, moi aussi. Il faut ajouter que très tardivement, en 2002, l'ambassadeur reviendra sur ses révélations et affirmera qu'il a été manipulé par les services jordaniens et irakiens. Il avait peut-être simplement envie de retourner en Libye, dans son pays, sans craindre la colère de Kadhafi. En tout cas, les amis et partisans de Moussa Sadr n'ont jamais renoncé à essayer de chercher la vérité et surtout à poursuivre de leur vindicte Kadhafi. Ils ont porté à plusieurs reprises l'affaire devant la justice et demandé à l'ONU d'ouvrir une enquête. Et en 2008, donc récemment, ils ont obtenu du gouvernement libanais qu'il porte plainte contre le leader libyen. Mais auparavant, en 2004, on assiste à un véritable coup de théâtre. Quoi ? Soudain, on retrouve les passeports de Moussa Sadr et de ses deux compagnons. Ouais. Et où alors? En Italie. La police les aurait saisis chez des trafiquants en papier d'identité. Bizarre. Hein, et encore plus bizarre, le fait que ces passeports portent des tampons de sortie de Libye le 31 août 1978. Mais pas ceux d'une entrée en Italie. Ah, Explication. Je n'en ai aucune, sinon qu'à mon avis, il s'agit d'une nouvelle tentative des Libyens pour noyer le poisson. Et ça veut dire aussi que plus de 25 ans après la disparition de Moussa Sadr, cette affaire continue à les empoisonner. D'ailleurs, à peu près au même moment, des représentants de la Libye prennent contact avec les familles des disparus et leur proposent un règlement financier. Et comme ça a déjà été fait tardivement à la suite de l'attentat contre le Boeing, là, abattu au-dessus de Lockerbie, en Écosse. Mais une telle initiative n'est-elle pas aussi un aveu de culpabilité ? Oui et non. Et pourquoi cette réponse de Normand ? Parce qu'en 2004, Kadhafi, qui vient de renoncer à ses armes de destruction massive, veut à tout prix rentrer dans le concert des nations, comme on dit. Il est prêt à faire des concessions pour aboutir. Y compris en reconnaissant de facto des crimes qu'il n'a pas commis. Pourquoi pas ? J'ai quand même des doutes. Je les partage. Car si vous voulez le fond de ma pensée, même si nombreux étaient les candidats à vouloir la mort de Moussa Sadr, je suis persuadé que l'imam a été exécuté en Libye. Ce qui ne veut pas dire pour autant que sa mort a été directement ordonnée par Kadhafi. Il faut préciser là. Je crois qu'en l'occurrence, comme il le fera en d'autres occasions, Kadhafi a rempli une sorte de contrat en faisant assassiner Moussa Sadr par ses hommes de main. Mais un contrat pour qui ? À mon avis, la clé se trouve dans l'évolution de la milice Amal, initialement créée par Moussa Sadr. Il existait alors des forces, et j'ai tendance à penser à Khomeini et à ses sbires, qui voulaient pousser les chiites libanais à entreprendre des actions plus violentes, plus radicales. Mais Moussa Sadr n'était pas un bout de feu, il s'y refusait. Alors il fallait donc se débarrasser de lui. Et remarquez bien qu'il ne faudra pas attendre très longtemps avant que le mouvement Amal ne se déchire et que sa fraction la plus dure, directement inspirée par Téhéran, ne devienne le Hezbollah en 1982. Le Hezbollah qui sera, qu'il est toujours d'ailleurs, le fer de lance iranien au Liban. Et qui, au nom des intérêts de l'Iran, se lancera dans de violentes actions contre la France et les États-Unis. Aussi les prises d'otages. Alors je vous donne cet avis pour ce qu'il vaut, mais je ne crois pas être très loin de la vérité. Moussa Sadr vivant, le Hezbollah n'aurait jamais vu le jour. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même communiquer avec nous. Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub m'ont aidé à préparer cette émission. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.